La cité de Dieu de saint Augustin, livre 20e, Le jugement dernier. Tome 4e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond, Cesset. Markendanarchive.org, 2019, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Du jugement dernier et des témoignages qu'il annonce dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Chapitre 1er. On ne traitera proprement dans ce livre que du jugement dernier, bien que Dieu juge en tout temps. Ayant dessein présentement, avec la grâce de Dieu, de parler du jour du dernier jugement et d'en établir la certitude contre les impies et les incrédules, nous devons d'abord poser comme fondement de notre édifice les témoignages de l'Écriture. Ceux qui n'y veulent point croire ne leur opposent que des raisonnements humains, pleins d'erreurs et de mensonges, tantôt soutenant que l'Écriture doit s'entendre dans un autre sens, et tantôt qu'elle n'a point l'autorité de la parole divine. Pour ceux qui l'entendent en son vrai sens et qui croient qu'elle renferme la parole de Dieu, je ne doute point qu'ils n'y donnent leur assentiment, soit qu'ils le déclarent au grand jour, soit qu'ils rougissent ou qu'ils craignent, sous de vains scrupules, d'avouer leur foi, soit même que, par une opiniâtreté qui tient de la folie, ils s'obstinent à nier la vérité de choses qu'ils savent être vraies, la fausseté de choses qu'ils savent être fausses. Ainsi, ce que l'Église tout entière du vrai Dieu confesse et professe, à savoir que Jésus-Christ doit venir du ciel pour juger les vivants et les morts, voilà ce que nous appelons le dernier jour du jugement de Dieu, c'est-à-dire le dernier temps. Car combien de jours durera le jugement suprême? Cela est incertain, mais personne n'ignore, pour peu qu'il soit versé dans l'Écriture sainte, que sa coutume est d'employer le mot jour pour celui de temps. Quand donc nous parlons du jour du jugement, nous ajoutons dernier ou suprême, parce que Dieu juge sans cesse et qu'il a jugé dès le commencement du genre humain, quand il a chassé du paradis et séparé de l'arbre de la vie les premiers hommes coupables. Bien plus, on peut dire qu'il a jugé, quand il a refusé son pardon. 2 Pierre 2, 4, aux anges prévaricateurs, dont le prince, vaincu par l'envie, trompa les hommes, après s'être trompé lui-même. Ce n'est pas non plus sans un juste et profond jugement de Dieu que les démons et les hommes mènent une vie si misérable et sujette à tant d'erreurs et de peines, les uns dans l'air, et les autres sur la terre. Mais quand personne n'aurait péché, ce serait encore par un jugement équitable de Dieu que toutes les créatures raisonnables demeuraient éternellement unies à leur Seigneur. Et il ne se contente pas de porter sur tous les démons et sur tous les hommes un jugement général, en ordonnant qu'ils soient misérables à cause du péché du premier ange et du premier homme. Il juge encore en particulier les œuvres que chacun d'eux accomplit en vertu de son libre arbitre. En effet, les démons le prient de ne point les tourmenter, et c'est avec justice qu'il les épargne ou les punit, selon qu'ils l'ont mérité. Les hommes aussi sont punis de leurs fautes, le plus souvent d'une manière manifeste, et toujours du moins en secret. Matthieu 8, 29, soit dans cette vie, soit après la mort, bien qu'aucun ne puisse faire le bien, s'il n'est aidé du ciel, ni faire le mal, si Dieu ne le permet par un jugement très juste. Car, ainsi que le dit l'apôtre, il n'y a point d'injustice en Dieu. Romains 10, 14. Et ailleurs, les jugements de Dieu sont impénétrables, et ses voies incompréhensibles. Romains 11, 33. Mais nous ne parlerons dans ce livre ni des jugements que Dieu a rendus dès le principe, ni de ceux qu'il rend dans le présent, mais seulement du dernier jugement, alors que Jésus-Christ viendra du ciel juger les vivants et les morts. C'est bien là le jour suprême du jugement, car alors il n'y aura plus lieu à de vaines plaintes sur le bonheur du méchant ou sur le malheur du juste. Alors, en effet, la félicité véritable et éternelle des seuls justes, et le malheur irrévocable et mérité des seuls méchants seront également manifestes. Chapitre 2. Du spectacle des choses humaines, où l'on ne peut nier que les jugements de Dieu ne se fassent sentir, bien qu'ils se dérobent souvent à nos regards. Nous apprenons ici-bas à souffrir patiemment les maux, parce que les bons même les souffrent, et à ne pas attacher un grand prix au bien, parce que les méchants même y ont part. Ainsi nous trouvons un enseignement salutaire jusque dans les choses où les raisons de la conduite de Dieu nous sont cachées. Nous ignorons en effet par quel jugement de Dieu cet homme de bien est pauvre, et ce méchant opulent. Pourquoi celui-ci vit dans la joie, lorsqu'il devrait être affligé en punition de ses crimes, tandis que celui-là qui devrait vivre dans la joie, à cause de sa conduite exemplaire, est toujours dans la peine. Nous ne savons pas pourquoi l'innocent n'obtient pas justice, pourquoi il est condamné, au contraire, et opprimé par un juge inique ou confondu par de faux témoignages, tandis que le coupable reste non seulement impuni, mais encore insulte à l'innocent par son triomphe. Pourquoi l'homme religieux est consumé par la langueur, tandis que l'impie est plein de santé? On voit des hommes jeunes et vigoureux vivre de rapine, et d'autres, incapables de nuire, même par un mot, être accablés de maladies et de douleurs. Ceux dont la vie pourrait être utile aux hommes sont emportés par une mort prématurée, et d'autres, qui ne méritaient pas de voir le jour, vivent plus longtemps que personne. Des infâmes, coupables de tous les crimes, parviennent aux fêtes des grandeurs, et l'homme sans reproche vit caché dans la plus humble obscurité. Encore si ces contradictions étaient ordinaires dans la vie, où, comme dit le psalmiste, l'homme n'est que vanité, ses jours passent comme l'ombre, psaume 143:4. Si les méchants possédaient seuls les biens temporels et terrestres, tandis que les bons souffriraient seuls tous les maux, on pourrait attribuer cette disposition à un juste jugement de Dieu, et même à un jugement bienveillant. On pourrait croire qu'il veut que les hommes qui n'obtiendront pas les biens éternels soient trompés ou consolés par les temporels, qui les rendent heureux, et que ceux auxquels ne sont point réservées les peines éternelles endure quelques afflictions passagères en punition de fautes légères ou pour s'exercer à la vertu. Mais la plupart du temps, les méchants ont aussi leurs maux, et les bons leur joie, ce qui rend les jugements de Dieu plus impénétrables et ses voies plus incompréhensibles. Et cependant, bien que nous ignorions par quel jugement Dieu fait ou permet ces choses, lui qui est la vertu, la sagesse et la justice suprême, lui qui n'a ni faiblesse, ni témérité, ni injustice, il nous est avantageux en définitive d'apprendre à ne pas estimer beaucoup des biens et des maux communs aux bons et aux méchants, pour ne chercher que des biens qui n'appartiennent qu'aux bons et pour fuir des maux qui ne sont propres qu'aux méchants. Lorsque nous serons arrivés à ce jugement suprême de Dieu, dont le temps s'appelle proprement le jour du jugement, et quelquefois le jour du Seigneur, alors nous reconnaîtrons la justice des jugements de Dieu, non seulement de ceux qu'il rend maintenant, mais aussi des jugements qu'il a rendus dès le principe, et de ceux qu'il rendra jusqu'à ce moment. Alors on verra clairement la justice de Dieu, que la faiblesse de notre raison nous empêche de voir dans un grand nombre et presque dans le nombre entier de ses jugements, quoique d'ailleurs les âmes pieuses aient toute confiance en sa justice mystérieuse. Chapitre 3. Du sentiment de Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, sur les choses qui sont communes aux bons et aux méchants. Salomon, le plus sage roi d'Israël, qui régna à Jérusalem, commence ainsi l'Ecclésiaste, que les Juifs, comme nous, reconnaissent pour canonique. Vanité des hommes de vanité, a dit l'Ecclésiaste, vanité des hommes de vanité, et tout est vanité. Que revient-il à l'homme de tout ce travail qu'il accomplit sous le soleil? Ecclésiaste 1, 2, 3. Puis, rattachant à cette pensée le tableau des misères humaines, il rappelle les erreurs et les tribulations de cette vie, et démontre qu'il n'y a rien de stable ni de solide ici-bas. Au milieu de cette vanité des choses de la terre, il déplore surtout que, la sagesse ayant autant d'avantages sur la folie que la lumière sur les ténèbres, et le sage étant aussi éclairé que le fou est aveugle, tout néanmoins est un même sort dans ce monde, par où il veut dire sans doute que les maux sont communs aux bons et aux méchants. Il ajoute que les bons souffrent comme s'ils étaient méchants, et que les méchants jouissent des biens comme s'ils étaient bons. Et il parle ainsi. Il y a encore une vanité sur la terre. On y voit des justes à qui le mal arrive comme à des impies qui sont traités comme des justes. J'appelle aussi cela une vanité. Ecclésiaste 8, 14. Cet homme si sage consacre presque tout son livre à relever ces sortes de vanités, sans doute pour nous porter à désirer cette vie où il n'y a point de vanité sous le soleil, mais où brille la vérité sous celui qui a fait le soleil. Comment donc l'homme se laisserait-il séduire par ses vanités, sans un juste jugement de Dieu? Et toutefois, tandis qu'il y est sujet, ce n'est pas une chose vaine que de savoir s'il résiste ou s'il obéit à la vérité, s'il est vraiment religieux ou s'il ne l'est pas. Cela importe beaucoup au contraire, non pour acquérir les biens de cette vie ou pour en éviter les maux, mais en vue du jugement dernier, où les biens seront donnés aux bons et les maux aux méchants pour l'éternité. Enfin le sage Salomon termine ainsi ce livre. Craignez Dieu, et observez ses commandements, parce que là est tout l'homme. Car Dieu jugera toute œuvre, celle même du plus méprisable, bonne ou mauvaise. Ecclésiaste 12, 13, 14. Que dire de plus court, de plus vrai, de plus salutaire? Craignez Dieu, dit-il, et observez ses commandements, car là est tout l'homme. En effet, tout homme n'est que le gardien fidèle des commandements de Dieu. Celui qui n'est point cela n'est rien, car il n'est point formé à l'image de la vérité, tant qu'il demeure semblable à la vanité. Salomon ajoute, car Dieu jugera toute œuvre, c'est-à-dire tout ce qui se fait en cette vie, celle même du plus méprisable, entendez, de celui qui paraît le plus méprisable et auquel les hommes ne font aucune attention, mais Dieu voit chaque action de l'homme, il n'en méprise aucune, et quand il juge, rien n'est oublié. Chapitre 4. Il convient, pour traiter du jugement dernier, de produire d'abord les passages du Nouveau Testament, puis ceux de l'Ancien. L'épreuve du dernier jugement de Dieu que nous voulons tirer de l'Écriture sainte, nous l'épuiserons d'abord dans le Nouveau Testament, ensuite dans l'Ancien. Bien que l'Ancien soit le premier dans l'ordre des temps, le Nouveau néanmoins a plus d'autorité, parce que le premier n'a servi qu'à annoncer l'autre. Nous commencerons donc par les témoignages tirés du Nouveau Testament, et pour leur donner plus de poids, nous les confirmerons par ceux de l'Ancien. L'Ancien comprend la loi et les prophètes, le Nouveau, l'Évangile et les épîtres des apôtres. Or, l'apôtre dit, la loi n'a servi qu'à faire connaître le péché, Au lieu que maintenant la justice de Dieu nous est révélée sans la loi, quoique attestée par la loi et les prophètes. La justice de Dieu est manifestée par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient en lui. Romains 3 20 à 22. Cette justice de Dieu appartient au Nouveau Testament et confirmée par l'Ancien, c'est-à-dire par la loi et les prophètes. Je dois donc exposer d'abord le point de la cause pour produire ensuite les témoins. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous apprend à observer cet ordre, lorsqu'il dit « Un docteur bien instruit dans le royaume de Dieu est semblable à un père de famille qui tire de son trésor de nouvelles et de vieilles choses. » Matthieu 13, 52. Il ne dit pas de vieilles et de nouvelles choses, ce qu'il n'aurait certainement pas manqué de faire, s'il n'avait eu plus d'égard au prix des choses, qu'autant. Chapitre 5. Parole du divin Sauveur qui annonce qu'il y aura un jugement de Dieu à la fin des temps. Le Sauveur lui-même, reprochant leur incrédulité à quelques villes où il avait fait de grands miracles, et leur en préférant d'autres qu'ils n'avaient point visités, « Je vous déclare, disait-il, qu'au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Matthieu 11 22 24. Et quelque temps après, s'adressant à une autre ville, « Je t'assure, dit-il, qu'au jour du jugement, Sodome sera traitée moins rigoureusement que toi. » Il montre clairement par là que le jour du jugement doit arriver. Il dit encore ailleurs, « Les Ninivites s'élèveront, au jour du jugement, contre ce peuple et le condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et qu'ici il n'y a plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera, au jour du jugement, contre ce peuple et le condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et qu'il n'y a ici plus que Salomon. » Matthieu 12, 41, 42. Ce passage nous apprend deux vérités. La première, que le jour du jugement viendra. La seconde, que les morts ressusciteront en ce jour. Car en parlant des Ninivites et de la reine du Midi, Jésus parlait certainement d'hommes qui n'étaient plus, et il dit pourtant qu'ils revivront au jour du jugement. Et lorsqu'il dit qu'ils condamneront, ce n'est point qu'ils doivent juger eux-mêmes, mais c'est qu'en comparaison d'eux, les autres mériteront d'être condamnés. Ailleurs, à propos du mélange des bons et des méchants dans ce monde et de leur séparation au jour du jugement, il se sert de la parabole d'un champ semé de bons grains, où l'on répand de l'ivraie, et l'expliquant à ses disciples. « Celui qui sème le bon grain, dit-il, est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les enfants du royaume, et l'ivraie les enfants du diable. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on amasse et comme on brûle l'ivraie, ainsi il sera fait à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Matthieu 13, 43. Il est vrai qu'il ne nomme pas ici le jour du jugement, mais il l'exprime bien plus clairement par les choses mêmes, et prédit qu'il arrivera à la fin du monde. Il parle de même à ses disciples. Je vous dis, en vérité, vous qui m'avez suivi, lorsqu'au temps de la régénération le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez assis, vous également, sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, 28. Ceci nous apprend que Jésus jugera avec ses disciples. D'où vient qu'ailleurs il dit aux Juifs, « Si c'est au nom de Belzébuth que je chasse les démons, au nom de qui vos enfants les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Il ne faut point croire, parce que Jésus a parlé de 12 trônes, qu'il ne jugera qu'avec 12 disciples. Le nombre 12 doit s'entendre comme exprimant la multitude de ceux qui jugeront avec lui, à cause du nombre 7 qui marque d'ordinaire une grande multitude, et dont les deux parties, 3 et 4, multipliées l'une par l'autre, donnent 12. En effet, 4 fois 3 et 3 fois 4 font 12, sans parler des autres raisons qui expliquent le choix de ce nombre. Autrement, comme l'apôtre Matthias a été mis à la place du traître Judas, Actes des Apôtres 1, 26, il s'ensuivrait que l'apôtre saint Paul, qui a plus travaillé que 3, 1 Corinthiens 15, 10, n'aurait point de trône pour juger. Or, il témoigna c'est lui-même qu'il sera du nombre des juges, quand il dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» 1 Corinthiens 6, 3. Il faut entendre dans le même sens le nombre 12 appliqué à ceux qui seront jugés. Car bien qu'il ne soit question que des 12 tribus d'Israël, il ne s'ensuit pas que Dieu ne jugera pas la tribu de Lévi, qui est la 13e, ni qu'il jugera le peuple d'Israël seul, et non les autres nations. Quant à la régénération dont il s'agit, nul doute qu'elles ne doivent s'entendre de la résurrection des morts. Notre chair, en effet, sera régénérée par la foi. Je laisse de côté beaucoup d'autres passages qui semblent faire allusion au dernier jugement, mais qui, considérés de près, se trouvent ambigus ou relatifs à un autre sujet, par exemple à cet avènement du Sauveur qui se fait tous les jours dans son Église, c'est-à-dire dans ses membres, où il se manifeste partiellement et peu à peu, parce que l'Église entière est son corps, ou bien à la destruction de la Jérusalem terrestre, dont il est parlé comme s'il s'agissait de la fin du monde et du jour de ce grand et dernier jugement. Ainsi on ne saurait entendre clairement ces passages, à moins de comparer ensemble ce qu'en disent les trois évangélistes, saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Tous trois, en effet, s'éclaircissent l'un l'autre, si bien que l'on voit mieux ce qui se rapporte à un même objet. C'est aussi ce que je me suis proposé dans une lettre que j'ai écrite à Ezechius d'heureuse mémoire, évêque de Salonne, lettre que j'ai intitulée « De la fin du siècle ». Note. Saint Augustin, dans cette seconde réponse à Ezechius, référencé 199 dans la troisième série des lettres, traite à fond la question de la fin du monde d'après les témoignages des divines écritures. Nous y trouvons les impressions et les terreurs contemporaines, mais nous y trouvons aussi la tranquille sérénité d'un grand esprit, la mesure et la réserve qui n'abandonnent jamais l'évêque d'Hippone. Il s'attache à prouver qu'on ne peut rien savoir sur l'époque de la fin des temps. Fin de la note. J'arrive maintenant à ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, où il est parlé de la séparation des bons et des méchants par un jugement dernier et manifeste de Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme, dit-il, viendra dans sa majesté, accompagné de tous ses anges, il s'assoira sur son trône, et tous les peuples de la terre seront assemblés en sa présence, et il les séparera les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous que mon Père a béni, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai eu besoin d'abri, et vous m'avez donné l'hospitalité. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez soulagé. J'étais prisonnier, et vous m'êtes venu voir. Alors les justes répondront et lui diront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim et vous avons-nous donné à manger, ou avoir soif et vous avons-nous donné à boire, quand vous avons-nous vu sans abri et vous avons-nous donné l'hospitalité, ou sans vêtements et vous avons-nous vêtu, quand vous avons-nous vu malade et en prison, et sommes-nous venus vers vous? Et le roi leur répondra, Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez rendu un tel secours au moindre de mes frères, c'est à moi que vous l'avez rendu. Il dira ensuite à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il leur reproche ensuite de n'avoir point fait pour lui les mêmes choses dont il a loué ceux qui étaient à sa droite, et comme il lui demande, « Quand donc vous avons-nous vu en avoir besoin ?» ils leur répondent même que tous les secours qu'ils ont refusés au moindre de ses frères, c'est à lui qu'ils les ont refusés. Puis il conclut ainsi, « Et ceux-là iront au supplice éternel, » et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 31 à 46. Saint Jean l'évangéliste dit clairement que Jésus a fixé l'époque du jugement à l'heure où les morts ressusciteront. Après avoir dit que le Père ne juge personne, mais qu'il a donné au Fils tout pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, parce que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, il ajoute aussitôt, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle et ne viendra point en jugement, mais qu'il passera de la mort à la vie. Jean 5, 22 à 24. Il nous assure par ses paroles que les fidèles ne viendront point en jugement. Comment donc seront-ils séparés des méchants par le jugement émis à sa droite, à moins qu'on ne prenne ici le jugement pour la condamnation? Il est certain, en effet, que ceux qui entendent sa parole, et qui croient en celui qui l'a envoyé, ne seront pas condamnés.